vous donne de le travail et joie, vous qui n'avez pas d'autre pouvoir, que le parfum chauffe du ciel, vous qui fuyez quand vient décembre, vous qui dérobez aux fleurs l'arbre pour donner aux gens le miel. Charge de buvesse des rogers, qui pareil à les bouger, visitez les lys des coteaux, aux chairs de corolles vermeilles, filles de la lumière, abeilles, envolez-vous de ces manteaux. Riez-vous, cyclone, guerrière, ô généreuse ouvrière, où le devoir vous l'avez dit, air d'or et flèche de flamme, tourbillonnez sur cette infâme, dis-lui, pour qui nous prend-il? Mon dit, nous sommes les abeilles, désolés au brasé de treilles, nos touristes ont le fantôme, nos volons de la juive éclose, circule la bouche ouverte des roses, et sur les lèvres de Platon. Ceux qui sortent de la fange ironde, va trouver Tibère en son âme, le châle neuf sur son balcon. Va, sur ta pourpre, il faut qu'on mette, non les abeilles de l'hymen, mais les seins noirs de Montfaucon. Et percez-les tout ensemble, faites honte au peuple qui tremble, avec les limons trompés, acharnez-vous sur lui. Rouge et qu'il soit chassé par les manches, puisque les hommes en ont peur.